Quel est ce jeune homme qui t'intéresse tant ? Demanda la baronne à sa fille. Un artiste assez riche pour exploiter ce modèle pourrait y gagner 100 000 francs, dit le marchand de curiosités qui prit un air capable et mystérieux en voyant l'accord des yeux entre la jeune fille et l'artiste. Il suffit de vendre 20 exemplaires à 8 000 francs, car chaque exemplaire coûterait environ 1 000 écus à établir. Mais en numérotant chaque exemplaire et détruisant le modèle, on trouverait bien 20 amateurs, satisfaits d'être les seuls à posséder cette œuvre-là. 100 000 francs ! S'écria Steinbock en regardant tour à tour le marchand, Hortense, le baron et la baronne. Oui, 100 000 francs ! Répéta le marchand. Et si j'étais assez riche, je vous l'achèterais, moi, 20 000 francs, car en détruisant le modèle, cela devient une propriété. Mais un des princes devrait payer ce chef-d'œuvre 30 000 ou 40 000 francs et en orner son salon. On n'a jamais fait dans les arts de pendule qui contente à la fois les bourgeois et les connaisseurs. Et celle-là, monsieur, est la solution de cette difficulté. Voici pour vous, monsieur, dit Hortense en donnant 6 pièces d'or au marchand qui se retira. Ne parlez à personne au monde de cette visite, alla dire l'artiste au marchand sur le seuil de la porte. Si l'on vous demande où nous avons apporté le groupe, nommez le duc d'Hérouville, le célèbre amateur qui demeure rue de Varennes. Le marchand hocha la tête en signe d'assentiment.